Dans quelle situation le risque d'écart est-il le plus important? La situation 1, réponse A. La situation 2, réponse B.